Audiomatique. Am I? Audiomatique en est à sa transmission 1-3-0 et se fait animer par les électronistes qui vous présentaient en introduction le projet Peace Orchestra, qui est le pseudonyme de l'artiste autrichien Peter Kruder, bien sûr membre du célèbre duo Kruder and Dorfmeister. De Peace Orchestra, nous entendions la pièce « Who Am I » de son premier album homonyme paru en 1999. Chaque semaine, les électronistes vous proposent une série de paysages sonores créés par des artistes de toutes les époques et de partout sur la planète. Pour les électronistes, un paysage sonore est une combinaison de sons qui se forment dans un environnement immersif, soit la transmission hebdomadaire d'Audiomatique. La notion de paysage sonore renvoie à un environnement composé de sons naturels ou créés par l'homme à travers la composition musicale et l'amalgame de sonorités synthétiques et organiques. Un paysage sonore, lorsque manipulé par un artiste, devient une matrice permettant de transmettre un propos ou une émotion. Et quoi de mieux pour concrétiser ce concept qu'un paysage sonore créé par le compositeur classique Max Richter? Memory is the seamstress, and a capricious one at that. Memory runs her needle in and out, up and down, hither and thither. We know not what comes next or what follows after. Thus the most ordinary movement in the world, such as sitting down at a table and pulling the inkstand towards one, may agitate a thousand odd, disconnected fragments, now bright, now dim, hanging and bobbing and dipping and flaunting. Cette séquence musicale se terminait sur une pièce de l'artiste Jin Yeri, soit la pièce Africa, dans une version remixée que nous offre le projet costaricain Nidio. Cette version se trouve sur l'album Foraneo Kalido Pasmoso Remixes, qui, comme son titre l'indique, regroupe des versions alternatives de l'album Foraneo Kalido Pasmoso de Din Yeri. Avant cela, c'était Martin Non-Static, pseudonyme de l'artiste néerlandais Martin Van Rossum. De son album Granite, nous entendions la pièce Samsara. Et avant Martin Non-Static, nous écoutions trois pièces du compositeur Max Richter, soit la série Memory is the Seamstress, Modular Astronomy, Entropy, qui s'inscrit dans sa plus récente œuvre intitulée Three Worlds, Music from Wolf Works. Cet album est en fait un condensé de l'œuvre que Max Richter a composée pour une pièce de danse réalisée par le chorégraphe Wayne McGregor, intitulée Wolf's Works, et dont la trame narrative est basée sur la connexion entre trois ouvrages de Virginia Woolf, une écrivaine anglaise ayant vécu de 1882 à 1941. Audiomatique vous impose à l'instant la musique du groupe finlandais Neuroactive. We'll be right back. I begin my story that has no beginning. The sampler, as well as the turntable, were principal tools largely responsible for the birth and development of hip-hop. With a sampler, any drum beat, any guitar riff, any sound that could be recorded could be used as part of a new composition, a new contextualization. The recording you are listening to now is an example. Possibilities by virtue of being able to freely appropriate from the musical past and to make new combinations and thus new meanings. The story demonstrates that a society, quote, free to borrow and build upon the past is culturally richer than a controlled one. Listen to messages of soul with a solid beat. Make you move your feet. Now the premise of this album was to find a passing spaceship and get rescued by it. Oh, come on. Now the premise of this album was, well, the dance, actually. Dance business. the highest definition ever achieved in recording. I'll even tell you what two of the secret ingredients are. Pure Electronic Modern Electronics. That'll make them happy. Pure Electronic Modern Electronics. Oh, Lamech, do me want to get up and dance? Pure Electronic Modern Electronics. Let's have a party, we're gonna go swinging. Pure Electronic Modern Electronics. Oh, yeah. Pure Electronic Modern Electronics. Pure Electronic Modern Electronics. Pure Electronic Modern Electronics. Pure Electronic Modern Electronics. The highest definition ever achieved. La musique de Wagon Christ, le projet de l'anglais Luke Vibert, mettait un terme à cette séquence audiomatique avec la pièce The Premise parue sur l'album Musipal. On a aussi pu entendre tout juste avant le projet français Wax Taylor avec Once Upon a Past de son deuxième album Hope and Sorrow paru en 2007. Et pour débuter, il s'agissait du groupe finlandais Neuroactive et la pièce Audio Anesthesia, tirée de l'album Phonic Trace. La prochaine séquence musicale sera courte, mais non moins intense. Voici d'abord le projet 32 Crash et la pièce Humanity. I see them here, those who skin them. I see them. The light they steal. I never prize what they adore. I never needed no one to do what they fancy. Their fake ideals, their narrow science, their insane fun. We'll be right back. friendly angel. There's Satan's talk, like men of peace. They live in jail, say they're happy. As long as the jail is nice and comfy. venons d'entendre la musique du groupe Pact, formé de deux anciens membres de la formation End One, soit Chris Ruiz et Gio Van Olli. De leur premier et seul album, Berlin, paru en 2012, nous écoutions la pièce The Fish Rots From The Head Down. Et avant Pact, c'était le groupe 32 Crash, formé de Jean-Luc Demeyer du groupe Front 242, ainsi que de Len Lemaire et Jan Doug du groupe Implant. De leur premier maxi, on entendait la pièce titre Humanity. Vous vous doutez sûrement que le moment est venu de vous présenter la dernière pièce de cette transmission 1-3-0 d'Audiomatique. Nous dirons simplement qu'elle s'intitule Song of Life et qu'elle est l'œuvre du duo Left Field. Les électronistes attendent impatiemment la transmission 1-3-1 d'Audiomatique qui aura lieu mercredi prochain dès 17h. D'ici là, réjouissez-vous en écoutant nos anciennes transmissions disponibles en balado-diffusion sur notre profil mixcloud.com/audiomatique et en archive grâce aux liens que nous postons sur notre profil facebook.com/audiomatique-cfou. Concluons avec Left Field et Song of Life. Jusqu'à notre prochain rendez-vous, soyez attentifs et surtout, restez à l'affût. Thank you.